Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices. Bonjour. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Tentative d'éclaircissement de notre situation politique. Par Michael Félicité. Première partie. La montée des contradictions de notre système social devient pour le moins évidente. De la crise grecque qui peut être vue comme l'épiphénomène d'un désastre plus global, aux différentes réformes économiques, loi Macron, anthropologique, mariage pour tous, GPA, genre, puissage RFID, judiciaire, loi sur le renseignement, constante que nous subissons impassiblement, tout en y rajoutant la renaissance de conflits religieux meurtriers, djihadisme, il nous est permis de penser que nous sommes à l'aube d'un virage décisif pour notre société. On constatera, alors, qu'inévitablement, sous la pression de ces transformations, tout notre système politique va se décomposer de plus en plus. Et on le note, déjà, tous les jours, de l'apparition de l'abstention comme une force politique majeure, aux différentes affaires concernant la liberté d'expression, que cela soit autour de Dieudonné, Mermet ou même de Zemmour, voire l'ouvrage de J. Bricmont, La République des censeurs, Erne, 2014, ou encore aux multiples scandales démocratiques et militaires que nous font subir les institutions bruxelloises et l'OTAN, nous remarquons qu'il est juste autorisé, actuellement, à notre classe moyenne. Boboisés, de penser uniquement au maintien de leur petit pouvoir d'achat afin de se masquer le malaise civilisationnel, d'une profondeur abyssale, que notre société traverse. Il sera essentiel de comprendre qu'en ce sens, avec les années qui viennent, les critiques de ce système vont devenir automatiquement, d'un côté, de plus en plus importantes pour chacun, mais le problème est là, elles apparaîtront aussi, d'un autre côté, autant diverses et variées du fait de la complexité de ces évolutions. Que faire donc? Qui peut répondre à nos malheurs? Le brouillage des repères politiques opéré depuis une trentaine d'années, surtout à la suite de la fin de la guerre froide et de l'intégration européenne, ne facilite pas une prise de conscience. A priori, il est encore admis de voir dans la gauche actuelle une option radicale contre les maux qui nous frappent. Malgré ces récupérations, ces contradictions, on constate qu'elle offre, dit-on, une alternative possible. Mais, soyons lucides et pragmatiques, ne voit-on pas que dans les faits, elle n'est pas du tout unie autour d'une idéologie minimale qui pourrait la structurer, et qu'elle n'offre, de surcroît, aucunement la possibilité de pouvoir espérer répondre à tout ce qui nous touche en même temps. Dans le contexte actuel, il nous paraît prioritaire non pas de penser l'évolution de tel ou tel aspect doctrinal, réflexion déjà menée, par d'autres, depuis longtemps, mais bien avant tout mettre sur pied un état des lieux, c'est-à-dire à une tentative de synthèse des différentes opinions qui animent ces organisations en vue d'en dégager une leçon pour notre avenir. On verra qu'on peut dire qu'il existe trois gauches, une néo-gauchiste, une néo-marxiste et une néo-stalinienne. Une fois cette analyse établie, il nous faudra pousser jusqu'au bout notre logique, pour chercher l'origine de nos problèmes, ce qui nous conduira à nous demander si les critiques, qui dénoncent une partie de ces courants tout en acceptant l'autre, ne véhiculent pas les mêmes présupposés que ce qu'ils croient invalider. En dégageant le plus objectivement possible les multiples aspects doctrinaux, notre aspiration consistera à montrer que, quelles que soient ces variantes, la gauche accepte intégralement le fait majeur de notre contemporanéité, c'est-à-dire la mondialisation, véritable danger immédiat pour notre génération. Le néo-gauchisme. Lénine accusait, déjà en 1920, ceux qui à son époque faisaient entrave à la révolution de ses vues, en dénonçant leur amateurisme politique. Son texte intitulé « Gauchisme, maladie infantile du communisme », Lénine, « Gauchisme, maladie infantile du communisme », édition des langues étrangères, 1970, pointait du doigt ces pratiques anti-institutionnelles véhiculées par les mouvements ultra-radicaux qui rejettent toute forme de compromission avec l'autorité en place. Selon lui, de tels moyens ne pouvaient être réellement effectifs, car ils ne passaient pas par la prise du pouvoir de l'État, véritable enjeu structurant d'une révolution digne de ce nom. Ce débat était une véritable question clé de cette période, puisqu'on connaît les luttes internes que Lénine et, par ailleurs, Staline avaient menées contre Trotsky, leader de ligue de dissidence envers l'hégémonie soviétique. De ce point de vue, ce dernier est peut-être celui qui incarne le mieux cette idéologie, comme le langage commun nous le rappelle, on confond régulièrement le trotskiste et le gauchiste, avec aussi Mao et sa révolution culturelle qui voulait pousser la transformation sociale au maximum, en faisant table rase du passé. L'intention, en général, est de prôner une révolution internationaliste, sans aucun centre précis, allant jusqu'à vouloir la création d'un homme nouveau totalement séparé de toute filiation avec le monde bourgeois. Au fond, les convictions se voulaient être anti-État, anti-nation, anti-frontières, anti-bourgeoise, anti-institution. Même si cela peut paraître exagéré, il n'est pas faux de dire que le gauchiste est contre tout, ou presque, car, dans sa vision, seul le prolétaire exploité pourra faire la révolution sans médiation quelconque, celle-ci étant conçue comme une entrave à la pureté de la lutte contre l'oppresseur. Cependant, quand aujourd'hui nous parlons du gauchisme, nous ne faisons pas en réalité référence, exactement, à cette conception des choses. Entre-temps, des penseurs, dont les plus connus sont Derrida, Bourdieu, Foucault et Deleuze, ont encore modifié cette méthodologie révolutionnaire. Devenus très rapidement des icônes de la contestation au tournant des années 70, il va sans dire que leurs travaux ont imbibé de manière significative les mouvements de lutte sociale. Leur originalité fut d'orienter les questions politiques vers celles des minorités fragiles. Puisque, une grande partie de leurs œuvres, pour la majorité, consiste à interroger les marginalités, les exclus, autrement dit, les fous, les criminels, les homosexuels, les sadomaso, etc. Pour la première fois dans l'histoire de la gauche, on déplace la question des structures sociales sur le terrain des problèmes de mœurs. Une des conséquences est qu'on ne critiquera plus fondamentalement le système capitaliste et son exploitation qui en est le fondement, mais avant tout les normes produites par la société. Et ceci va induire tout un nouveau langage dans les milieux de radicalité critique. Des glissements de sens vont s'opérer à n'en plus finir. Rien n'est plus significatif, à cet effet, que la manière dont Foucault va intituler sa préface à L'Anti-Édipe G. Deleuze et G. Guattari, L'Anti-Édipe, édition de minuit, 1972, ouvrage de G. Deleuze et F. Guattari, Introduction à la vie non fasciste, 4 comme si, à part les lecteurs de ce livre, tous les individus peuplant cette pauvre terre étaient coupables d'une vie, potentiellement, fasciste. Là où, auparavant, on dénonçait la bourgeoisie, référence à l'exploitation, on attaquera aujourd'hui le fascisme, référence aux normes. Cela annonce par contraste les nouveaux ennemis des gauchistes et par là même leur nouveau fond doctrinal. À vrai dire, une telle fascination pour ce genre de problème en dit plus long sur leur réelle mentalité que sur la pertinence de leurs propos. À l'heure actuelle, Éric Fassin est, sans nul doute, un des plus éminents représentants de ces intellectuels. Introducteur en France de l'essayiste /philosophe Judith Butler, il intervient régulièrement dans les grands médias. À travers son livre, Gauche, l'avenir d'une illusion, Éric Fassin, Gauche, l'avenir d'une illusion, textuel, 2014, il propose une synthèse qui pourrait bien servir de bréviaire contemporain de cette doctrine. L'idée est simplement de montrer que la gauche doit abandonner la notion classique « peuple issu », selon lui, de la « droite », qui consiste à opposer la nation aux xéno, étrangers, en somme un dedans à un dehors, un citoyen à un non-citoyen, distinction qui, rappelons-le, est juste le présupposé de toute forme de démocratie, car on imagine mal comment faire pour donner le pouvoir au peuple, si celui-ci est absolument indéterminé, s'il n'y a pas de différence entre un « nous » et un « eux » et un « en reconstruire une définition, prétendument, plus progressiste et démocratique à partir des nouvelles causes peuplant l'espace public, mariage pour tous, lutte contre le racisme, mais aussi des minorités agissantes, et des exclus. Comme on le voit, on renverse le sens des grandes catégories qui ont marqué l'histoire politique comme l'opposition majorité/minorité, peuple/élite. Il n'est pas anodin que le titre de son dernier chapitre s'intitule « Changer de peuple ». Ce qui nous rappelle, au passage, la fameuse sentence de Bertolt Brecht issue de son poème intitulé « La solution, puisque le peuple vote contre le gouvernement, il faut le dissoudre pour en élire un autre », dénonçant les dérives du pouvoir soviétique, lequel voulait changer la société vers « un mieux », tout en se préservant de la vie des gens concernés. On va ici dans le même sens que le lobby Terra Nova, avant-garde du PS, qui se propose de manière similaire de ne plus axer son électorat que sur des minorités comme les femmes, les gays, les jeunes, les immigrés, et non plus sur les prolétaires coupables de voter Front National et donc, selon eux, d'être potentiellement racistes. Mais au fond, le problème ne s'arrête pas à cela. puisque si on écoute jusqu'au bout nos anticonformistes, on se rend compte que tous ces changements en politique ne sont, ni plus ni moins, que la conséquence de la domination de l'homme blanc hétéro-cato-bourgeois qui, selon eux, aurait le pouvoir. On remarque, qu'à l'évidence, ce n'est pas le capitaliste en lui-même qu'il vise, qui lui est de toutes les religions, de toutes les cultures et toutes les races, mais un individu majoritairement présent dans le monde européen. Cette nuance est fondamentale, puisqu'on voit apparaître le cœur et la logique sous-jacente à leurs actions. En effet, c'est à partir de cet ennemi qu'ils vont constamment dénoncer tous ceux qui tapent sur les minorités opprimées, avec leur constant soutien indéfectible aux expulsions des sans-papiers, à la répression des prostituées, à la lutte contre la stigmatisation des trans, bis, homosexuels, et à l'ostracisme des femmes voilées, musulmans NES, roms, etc. On observe souvent, avec du recul, que ce courant que l'on dénomme dans les milieux intellectuels, différentialiste identitaire, dans la mesure où ils défendent des différences d'identité ne lutte pas contre l'exploitation salariale, ni contre la société de consommation, ni contre les guerres d'ingérence impériale, ni même contre la misère sociale, mais contre les normes de la majorité, étant toutes arbitrairement désignées comme mauvaises et supposées être incarnées dans l'État. Capitaliste, patriarcal, hétéronormé et colonial. Ce qui frustre l'intelligence, c'est l'expression ultra-manichéenne que ces philosophes portent sur la vie politique. Seule la gauche de la gauche dit vrai, les autres sont tout plus ou moins dans la manipulation et dans l'oppression cachée. En somme, ils sont le « bien », le reste est démoniaque. On peut voir clairement, à cet effet, leur conception du débat intellectuel, notamment avec ce qui s'est passé pour la personne de M. Gauchet, accusé de faire partie du camp des « réactionnaires », tout en avouant ne pas lire ses textes 6 à l'origine, une plainte qui en dit long sur les intentions des disciples de la « French Theory ». Il se demande en toute honnêteté, contre quoi Gauchet s'est-il rebellé dans sa vie si ce n'est contre les grèves de 1995, contre les mouvements sociaux, contre le PAC, contre le mariage pour tous, contre l'homoparenté, contre les mouvements féministes, contre Bourdieu, Foucault et la « Pensée 68 », contre les revendications démocratiques. Au-delà du caractère fallacieux et trompeur de ces accusations qui ne sont pour la plupart fondées sur rien, comme l'accusé a su très bien le démontrer, il est frappant de remarquer que tout ce qui est reproché mérite un vrai débat en rapport avec les évolutions du monde du marché contemporain. Et si nous poussons jusqu'au bout notre logique, on peut se dire que s'être révolté contre tout ça fait plutôt preuve, en réalité, d'une véritable résistance à l'ordre capitaliste mutant que nous voyons apparaître. Pour comprendre leurs interprétations de la « Révolution », on peut lire l'ouvrage d'un des opposants, Édouard Louis, intitulé « Pour en finir avec Eddie Bellegueule, Édouard Louis, pour en finir avec Eddie Bellegueule, point, 2015 ». Il convient de dire, immédiatement, que ce livre représente certainement un sommet artistique dans la haine des milieux prolétaires. Ce que l'on voit clairement, c'est que l'auteur, tout en voulant dénoncer les prétendus stéréotypes, homophobes, sexistes, masculinistes, de ces catégories sociales, ne fait que calquer, sur une réalité qui est totalement étrangère à ce genre de questions, ses préjugés personnels. La manière de mettre en scène la violence qu'il subit dans son village natal au vu de ses « manières efféminées » fait croire, insidieusement, que ce monde est absolument dépourvu de toute forme d'intelligence et qu'il y aurait une généralité possible à établir dans ce genre de dénonciation. En se posant, en outre, comme une figure angélique échouée dans un monde brutal, il occulte le rapport dialectique, c'est-à-dire la violence que lui aussi peut produire en sens inverse. En vérité, son discours en dit plus sur ses fantasmes intimes que sur la simple brutalité du concret. Comme l'a si bien démontré P. Muret, sans cet ennemi imaginaire, leur discours s'effondrerait de fait. On arrive, exactement, dans la description du mythe du prolétaire, beauf, raciste, viol, homophobe qui vote Front National, fiction nécessaire à la perpétuation de leurs idéologies prônant la transgression de toutes les normes établies. On ne peut avoir le même intérêt, goût, en passant sa vie à l'université ou en travaillant 15 heures par jour à l'usine. Il est vrai que lorsqu'on voit physiquement Édouard Louis, on constate fatalement les stigmates de l'exploitation capitaliste et non pas du tout les névroses d'un bourgeois désorienté. Si ces individus restaient marginaux, comme ils le souhaitent, cela ne poserait aucun problème. Seulement en réalité les développements de leurs pensées sont nombreux et fleurissent de plus en plus dans les milieux universitaires. Anegri et M. Hard, avec leurs deux ouvrages Empire et Multitude, offrent de véritables clés d'action pour cette perspective. qu'on voit, aussi, des personnalités s'affirmer de plus en plus comme Gilles Silbertin Blanc, grand deleuzien devant l'éternel, allant jusqu'à avouer qu'il voulait quitter le front de gauche parce que Mélenchon utilisait comme slogan « le pouvoir au peuple ». Étant entendu qu'il fallait comprendre que la figure même du peuple en tant que majorité dominante ne prend pas en compte la diversité des minorités qui la composent, fait donc partie des concepts de la domination, voire des « réactionnaires d'extrême droite ». D'autres encore vont animer des recherches universitaires, comme Geoffroy Lagasnerie, pour essayer de pousser encore plus loin les analyses de Foucault et Deleuze, allant jusqu'à trouver une vertu positive au néolibéralisme. Ces penseurs ont toujours assumé une réelle fascination, bizarrement en apparence, pour le néolibéralisme, comme en témoignent les derniers textes de Foucault. Mais au-delà de cette attirance, il y a aussi un vrai ancrage intellectuel commun, puisqu'ils partagent la négation de toute forme de possibilité de valeur partagée au sein d'une communauté confère. Hayek, La route de la servitude, PEF, page 49, les échelles de valeur ne peuvent exister que dans l'esprit des individus, il n'y a d'échelle de valeur que partielle, échelle inévitablement diverse et souvent incompatible. Citons aussi, du même auteur, il faut laisser l'individu, à l'intérieur de limites déterminées, libre de se conformer à ses propres valeurs plutôt qu'à celles d'autrui, que dans ce domaine les fins de l'individu doivent être toutes puissantes et échapper à la dictature d'autrui. Reconnaître l'individu comme juge en dernier ressort de ses propres fins, croire que dans la mesure du possible ses propres opinions doivent gouverner ses actes, telle est l'essence de l'individualisme. Cette négation de toute forme de lien entre l'individu et la communauté est une thèse aussi défendue par ce courant que nous présentons. La destruction de la famille, par exemple, est d'abord un objectif libéral avant d'être un objectif militant, car celle-ci est conçue une entrave à la circulation permanente des individus qui favorise le flux des capitaux. En définitive, on ne conçoit ici dans les deux cas la liberté qu'au sens d'une déliaison de sa famille, son genre, son milieu social et non à partir d'une vision de celle-ci, au sens de se relier à un corps social, famille, etc. L'ambition sous-jacente est de prôner un homme détaché de tout ancrage social, traditionnel, afin d'en faire un individu absolument affranchi de contraintes extérieures, un être qui se réinvente en permanence, que cela soit de son genre, son appartenance ethnique ou culturelle, etc. Ainsi que le prône J. Attali dans son livre « Devenir soi », qui serait, selon lui, de permettre de « dédramatiser la réflexion sur le crime ». Dans ce sens, les propos que relève S. Halimi semblent assez significatifs. Lagasnerie, lui, ne s'intéresse pas à l'histoire politique du néolibéralisme. Il sait bien que Milton Friedman a conseillé Pinochet, Friedrich Hayek et Becker, Reagan et Thatcher. Mais cela ne l'empêche pas de prétendre que leurs travaux ont « dédramatisé la réflexion sur le crime », l'ont « débarrassé de l'emprise qu'exercent sur elle des catégories morales et moralisantes ». Avec le néolibéralisme, l'ensemble du système pénal s'écroule et se trouve déstabilisé, puisque ce système repose sur la pathologisation du criminel et le pouvoir psychiatrique. Ou encore Erogien qui nous explique, sur France 2 chez Taddeï ou dans son texte intitulé « Éthique minimaliste », que l'inceste n'est qu'une norme arbitraire que l'on peut dépasser aisément. Chez ces penseurs, la mise en avant de contradictions permanentes peut paraître très agaçante, ils dénoncent toujours le manque de moralité des autres, homophobie, xénophobie, etc., tout en voulant toujours repousser tous les codes moraux établis. On ne s'en rend pas compte, mais innombrables sont les tenants de cette idéologie dans les médias mainstream. À l'évidence, ce sont les seules personnes qui se réclament de la gauche et à qui on offre une tribune quasi permanente. Ainsi, on ne peut éviter l'inénarrable Rokhaya Diallo qui occupe une place tout à fait capitale dans les débats à gauche, comme en témoignent ses différentes tribunes et interventions télévisées. Son association, Les Indivisibles, organise chaque année un concours nommé les Yabon Awards, qui se propose pour but de récompenser les propos les plus racistes de l'année. Ici, on fait des listes de paroles diverses et cela ne choque personne. Et pire, on réduit le débat politique à de la stigmatisation et de l'opinion divergente. Citons ensuite C. Forest, défendant les « Femins » à travers un livre sur leur leader, et plus récemment encore un texte sur le « Droit au blasphème » du journal Charlie Hebdo soutenant la même vision. Ou encore Jean-Loup Ancel, auteur d'un essai sur les « Nouveaux Rouges Bruns » et Philippe Corcuff, artisan d'un écrit intitulé « Les années 30 reviennent et la gauche est dans le brouillard », qui tendent, tous les deux, à caricaturer le débat public pour défendre ces mêmes idées. Ajoutons à cette liste Didier Ribon, grand disciple de Foucault, se faisant remarquer par un texte tout en originalité, une morale du minoritaire, et Julien Salingue, bourdieusien, fondateur d'Acrimed, passant sa vie à dénoncer la presse non conforme à cette idéologie-là. On ne manquera pas de noter Pierre Thévanian, animateur d'un blog intitulé « Les mots sont importants », défendant, quant à lui, la possibilité de mettre le voile aux filles musulmanes à l'école, étant convenu que c'est une discrimination insupportable que de leur faire enlever. Et, par ailleurs aussi, c'est Autain qui reprochait à Syriza d'avoir trahi la gauche en ne mettant que des hommes dans son gouvernement après sa prise de pouvoir. Sans oublier N5. Belkacem, notre ministre de l'Éducation, qui ouvertement répète plus ou moins la même chose sur beaucoup de sujets. Le journal, Libération, et l'émission télévisuelle du Petit Journal de Canal+, sont sûrement les deux médias au sens large qui relaient le mieux toute cette idéologie. On y attaque en permanence les racistes, homophobes, machistes, la France, les réactionnaires. On utilise à la perfection la cage aux phobes. Je suis frappé depuis quelques années par l'opération de médicalisation systématique dont sont l'objet tous ceux qui ne pensent pas dans la juste ligne, on les taxe de phobie. Et personne n'ose seulement délégitimer cette expression en la problématisant, c'est-à-dire en disant ce que se devrait de dire à tout propos un intellectuel, qu'est-ce que, au fait, ça signifie. Il y a maintenant des phobes pour tout, des homophobes, des gynophobes, encore appelés machistes ou sexistes, des europhobes, etc. Une phobie, c'est une névrose, est-ce qu'on va discuter, débattre, avec un névrosé au dernier degré? Non, on va l'envoyer se faire soigner, on va le fourrer à l'asile, on va le mettre en cage. Dans la cage aux phobes. Philippe Muret, Exorcisme spirituel 3, Les belles lettres 2002, page 267, cher AP Muret. Les LGBT ont ici tous leurs droits, et la Gay Pride est vue comme une volonté d'émancipation sociale et humaine. On y défend tous les excès comme ceux de cette chroniqueuse régulière qu'est Marcela Yacoub, qui nous explique sans trembler que l'amour au sein d'un couple amène à des enfants dépressifs et des suicides sous-entendus, bien sûr, que la vie familiale est norme purement arbitraire et contraignante. Cette dernière étant peut-être avec toutes ses aventures, notamment avec Strauss-Kahn, la caricature absolue et la finalité de toute cette pensée. Derrière tout ça, qui semble anodin ou sans intérêt, il se cache, en vérité, quelque chose de très grave, puisque c'est une logique ultra-communautaire qui tend à prendre le dessus et à diviser la société selon des groupes sexuels ou autres. Et pourquoi pas une worker pride? Peut-être que cela ne correspond pas au milieu socio-économique de ces gens-là. On est triste de voir que la vision de la révolte peut changer autant avec les époques. On est passé des Khmer rouges aux Khmer roses en conservant l'intégrisme de manière identique. Ce sont les groupes ultra-radicaux qui récupèrent souvent ce discours. Le NPA et toutes les variantes extrémistes, non institutionnelles, de la gauche actuelle ont clairement intégré toutes ces opinions, car ils sont toujours en première ligne pour lutter contre toutes les discriminations, des trans, homosexuels, etc. Entraînant autant de confusion dans les luttes prioritaires que dans les causes premières de ces maux. Toutefois, étant donné que c'est de ce côté que sont sorties les questions sur le mariage pour tous, la GPA, ou encore le GendE, le PS est clairement aussi dans cette perspective, de même le MEDEF ne s'y oppose pas surtout. Pour les autres tenants de la contestation, cela reste soit secondaire, soit absurde. À vrai dire, il n'est pas faux de constater que cette orientation est peut-être un des plus grands drames de toute son histoire de la lutte sociale. Innombrables sont aujourd'hui les dérives des tenants de cette idéologie. On peut pointer, par exemple, toutes les violences de ces associations, antifascistes, vandalisant, détruisant, des locaux entiers de personnes totalement dépourvues de capital quelconque, ou en agressant physiquement d'autres, simplement, pour cause de divergences idéologiques. Sans oublier, toutes les conférences interrompues pour cause d'accointances supposées avec telles ou telles idées ou fractions politiques. Mais, le plus grave, c'est que personne ne voit que cette vision du monde peut contenir une nouvelle idéologie réellement nauséabonde. Car si on remplace les « blancs hétérosexistes masculinistes et plutôt phobes de l'état colonial capitalisme » par « ennemis intérieurs », on arrive exactement aux conséquences des états, mais cette fois, réellement fascistes. Aujourd'hui, avec de la distance, nous pouvons dire sans problème que la « pensée 68 » a révolutionné la société de marché en la faisant grandir et évoluer, mais pas la civilisation humaine. En cela, elle peut être considérée comme l'idéologie du capitalisme absolu, c'est-à-dire du système social intégrant toutes les dimensions de la vie humaine, que cela soit la famille, le vivant, la nature, alors qu'auparavant, les conséquences étaient surtout économiques pour ceux qui subissaient l'oppression marchande. Il est singulièrement étrange de voir que ces gens qui dénoncent toute forme de moralité ne comprennent le monde qu'à travers des catégories morales. Ils fonctionnent à la terreur qu'ils font ressentir aux autres. Le monde est affreux et pesé sur les autres. Tu es potentiellement un fasciste. Leur manque de recul, qui n'enlève rien au fait que leur rage soit légitime, rend absolument vide d'effectivité et même nuisible leurs actions. Sur l'échiquier politique, cette pensée peut être vue comme une des idéologies les plus intégristes qu'on ait pu nous donner. En vérité, ce n'est plus du gauchisme, c'est du néo-capitalisme sur le plan symbolique. La notion de « minorité opprimée » n'existait pas chez les premiers internationalistes. De même qu'il est difficile de se représenter Trotsky défendre la GPA au nom de la liberté individuelle, il est impensable d'envisager que ceux qui s'amusent à défendre cela au nom de la « gauche » ne soient pas vite rattrapés par la réalité. Ceci dit, remarquons pour finir que ces intellectuels rejettent pour la plupart du temps les deux autres visions de la gauche que nous allons présenter, n'y trouvant que des expressions des « oppresseurs déguisés » et non d'opinions divergentes. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Par Michael Félicité. Fin de la première partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.